des lésines et puis des textes plutôt pas mal agencés. Et puis le tout tombé dans des atours séducteurs de gentils riffs accrocheurs et quoi c'est sûr bien plaire à tout un tas d'auditeurs. Je ne sais pas où tout cela finit, l'en pas me conduire vers un mur ou un bien éteint. Qui le sait, qui peut le dire? Et en attendant encore, je prends des fonds. À tout va, je cherche une faille ou le bien. Et les chroniques mènent un avenir étrange. Et je suis pas tout seul dans cette course effrénée au résultat incertain. Et j'en ai d'être cette fine amour des chroniques. Mais je ne suis pas pour seul dans cette course effrénée, dans ce temps.